Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Nous avons un podcast! Bienvenue à Pas de problème! Mon nom est Frédéric Barbouchi. Je suis en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin! Simon Rousseau! Salut Frédéric! Salut Martin! Salut! Salut Simon! Et Mathieu Bouillon! c'est peut-être la pire. Là. Fait combien de temps, Mathieu, que tu y pensais à celle-là? Et j'ai été shifté, j'avais d'autres affaires dans ma tête. Moi, ça fait longtemps que tu m'en parles, que tu voulais l'essayer comme gag d'intro. Là. Comment tu décris? Comment je t'en avais parlé? Ben, tu m'avais dit, j'aimerais ça commencer en faisant là, la toune. Là. Mais j'ai comme l'impression que je comprends la référence, mais elle m'échappe. C'est un petit peu le début de Eye of the Tiger, mais comme chanté un peu par une femme japonaise. C'est lourd. Je crache dans le micro. C'est pour ça qu'on n'a pas de nouveaux auditeurs. Parce non. qu'il arrive. Il commence à écouter et ils font qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, ils s'arrêtent. Ouais. Mais ceux qui passent par-dessus ça... Commencez du début, s'il vous plaît. Ensuite, on leur explique que, pas de problème, c'est une balado-diffusion, quatre experts en rien, s'improvise experts en tout, le temps de trouver des solutions à un problème fourni par vous, les auditeurs, tout en défiant les règles du bon goût. Et cette semaine, le problème est un problème audio qu'on a reçu par courriel à pas de problème gmail.com. Est-ce que c'est une première? Non. On en a eu. Donc, Oui. Des problèmes audio, des commentaires audio, mais des problèmes. On a eu Lobe Frontal qui nous avait envoyé le problème de docteur. True. That's true. Non, on a eu quelques-uns aussi. Il me semble qu'on a eu d'autres. Mais on va l'écouter maintenant. Salut les gars, salut. Je suis Gleb. Vous avez un problème? J'ai un podcast. Ou l'inverse. Bon, un peu les deux. Moi je vous envoie ce petit message pour vous parler de mon problème. Mon problème, c'est que je vais bientôt déménager au Québec en 2015. C'est et pas 2015, un problème. Si tout va bien. Chapeau, bienvenue. Et j'en ai parlé à ma mère, qui est tout à fait d'accord pour venir avec moi. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dit en premier lieu il y a environ un mois et demi, deux mois. Cool. Quand je lui en ai parlé pour la première fois. On la salue. Mais entre-temps, disons qu'elle est en train de faire marche arrière, j'ai l'impression. Quoi ? Donc elle est d'accord pour venir avec moi, avec ma petite sœur, qui a une dizaine d'années. Salut ! Elle va avoir 10 ans, là, cet été. Elle va avoir 11 ans. Et mon problème, c'est qu'elle a des gros soucis de santé. Okay. Elle est avec un homme qui, malheureusement, est un peu violent. Ouais. Oh, pas souvent, mais même une fois, c'est trop. Ouais. Qui est alcoolique. Ça, par contre, c'est récurrent. Okay. Moi, ce que je veux, c'est la sortir de là. Je comprends. Sauf qu'elle n'arrête pas de lui donner des chances supplémentaires. Et je pense que refaire une nouvelle vie au Québec, pour moi comme pour elle, ce serait la meilleure solution, ainsi que pour ma petite sœur. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est comment persuader ma mère, par des moyens X ou Y, de me suivre et de laisser tomber cette... ce trou de cul, dis-le. Cet imbécile. Oh, ouais, c'est mieux. C'est mieux formulé. De l'éloigner de ma petite sœur. Qu'elle arrête de gâcher la vie de ma mère également. Donc voilà. Donc comment persuader ma mère de venir avec moi, sachant qu'elle a des gros problèmes de santé et que malheureusement on ne pourra pas prendre l'avion. Il va falloir prendre le bateau déjà. Elle est interdite d'avion pour des problèmes de santé au niveau de la de la composition de son sang, je ne sais plus exactement ce que c'est. Mmh. Mais enfin, elle a déjà fait un début d'embolie pulmonaire. Ah ouais. Donc voilà, eh ben, je vous remercie. J'espère vous entendre bientôt. Peut-être que vous allez choisir mon problème, je l'espère. Et à la prochaine. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut, Gleb. Hein? Gleb. Gleb. Gleb. Bon. Ben, en partant, moi, une traversée outre-Atlantique, c'est quelque chose que j'aimerais vivre dans ma vie. Ben oui, un bateau. En effet. Ben oui. Mmh. Hey, c'est cool, maman. Oui. Savez-vous quoi? Je vais te montrer une photo du bateau qu'on va prendre. Là. Mon père l'a fait. Puis? Pour émigrer au Canada. Wow! Est-ce que c'était dans des conditions acceptables? Je pense que oui. Je pense que oui, c'était fait pour... Il est pas venu en container. Non, non. C'était pas un pédalo, là. Mais il reste que... il l'a fait. Il a eu mal au cœur, il paraît. Beaucoup, beaucoup. Et ça doit. Okay. Mais ouais. Il était tout seul avec sa mère parce que ses frères et sœurs étaient déjà ici. OK. Mais c'est similaire, quand même. C'est lui qui a rapatrié la maman. Ouais. Oui, oui, oui, c'est vrai. Comment, il a fait, comment il a fait pour la convaincre? Comment il a fait de m'envoyer? Oui, appelle-le, peux-tu l'appeler? Appelle ton père. De... Ah, il dort. Comment elle a fait pour laisser cet imbécile? Tu sais, comme... Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Ben, il faut le dire, c'est pas un problème qui est tant jojo que ça. Là. Tu sais, non, il y a quand même des dire, éléments. Là, attends, il y a plusieurs problèmes. Il y a convaincre sa mère à le suivre, sa mère et sa sœur. Ouais. On est loin des problèmes de Benjo Bouchon. Non, mais c'est ça. La sœur, je pense que c'est un automatique, non? Oui, oui, oui, c'est ça. Si la mère vient, la sœur vient. Mais il y a aussi comment laisser... un homme plus ou moins... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est en France exactement? Non, on ne le sait pas. Hein? Si c'est plus la région parisienne ou si c'est plus la région du midi ou la région du minuit. Écoute, s'il vient du sud, c'est encore mieux parce qu'il va avoir un petit passage en mer Méditerranée. Ouais. Qui va être sûrement magnifique. Là. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un de féru d'histoire avec eux, ils vont pouvoir lui raconter des belles légendes sur les guerres de la Méditerranée. Oui, mais il y a des légendes, je suppose, qu'il y a un peu partout. Là. Il pourrait y avoir des légendes quand ils vont arriver... à Terre-Neuve, les Vikings, les colonies Vikings, les Basques dans le coin de ton bastion natal. Oui, du Bas-Saint-Laurent, Rimouski, oui, tout à fait, les Basques. Mm-hmm. Là, ça s'appelait Trois Pistoles, c'était Trois Bascoles. Trois Bascoles, puis d'ailleurs, le chant traditionnel des peuples basques était là, c'était... Et misère. Bon, comment l'amener, là, maman? Moi, j'ai un mot. Chloroforme. C'est brutal. C'est presque plus brutal, peut-être. Hein, que ou ce qu'elle vit. Ouais, hypnose. Ouais, ouais. Moi aussi, je pensais à ça, hypnose. Mm. Mm. Oui. Voilà, on a tout épuisé les solutions. Voilà. Alors, traversée outre-Atlantique, chloroforme et hypnose. Voilà. C'est déjà très bon, là. Kidnapping. Mm. Partir, kidnapper la sœur et la faire chanter pour qu'elle revoie sa fille. Oui, non, mais c'est sûr là, que là, si le chum est imbécile là-dedans puis qu'il fait peur puis qu'il menace, il faut arranger quelque chose. Il faut faire un setup. Ça demande une certaine organisation assez complexe. Là. C'est peut-être... Là, je vais aller dans les bas-fonds. Mais si toute la gang y va, là, même le chum, allez, on s'en va vivre au Québec. Mais on prend son défaut. L'alcoolisme. Puis la veille du départ. Et on le réveille pas. Ah, mon Dieu. C'est la virée. On s'arrange pour qu'il y ait une virée. Mais moi j'irais même encore pire que ça. Ouais. On part tous en Australie. Mm-hmm, OK. Toute la gang voyage. Ouais, on embarque dans l'avion. Regarde, et avant le décollage, oups! Il y a trois personnes qui vont à la salle de bain de manière différente, quittent l'avion, et lui... Mais elle ne peut pas aller en avion. Pas en avion, en bateau. En bateau? On part en Australie en bateau. Oui, tu lui montres les billets d'avion rapidement. Là, regarde, on s'en va en Australie. Ouais. Mais lui, il embarque sur le bateau, fait qu'en plus, pendant que lui est en train de se shipper en Australie... Toi, tu quittes pour le Canada. En bateau. Non, lui, tu le chips dans l'avion. C'est bon. Tu t'en vas à l'aéroport. Non, mais c'est parce qu'il va se rendre compte que la mère ne peut pas suivre en avion. Non, mais parce qu'il sait qu'il a cette maladie-là, j'imagine. C'est ça. Mais billet du médecin, je suis correct finalement, je peux prendre l'avion. chérie. On le ship en Australie. Va vite nous checker des places. Moi, faut que j'aille me refaire une beauté. Oui. C'est parce que la mère embarque pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Elle embarque pas dans ce plan. Faut convaincre la mère. Faut que tu fasses tout ça sans la mère. Ouais. Mm. Tu fais des vols en différé. Ça veut dire qu'on est tous supposés de partir en Australie. Mmh, OK. Non, mais elle peut pas. Lui, il part. Reste plus de place. Toi, t'es supposé de partir le lendemain pour aller le rejoindre, mais non. Hop, à la place. Bing. Canada bateau. Canada bateau. Québec bateau, là, mais j'ai Canada. Glébec. Glébec. On n'attend que toi. Oui. Bon. Sinon, on fait tirer une croisière de 5 jours en Corse. Pour monsieur qui vient de gagner ça, alcool à volonté. Oh. Et pendant que monsieur est parti en Corse, oui. Bing, badaboum, boum, boum, se sauve. Ou il gagne un voyage pour trois au Québec. Il invite sa mère et sa sœur. Il arrive, on l'accueille au port avec des colliers hawaïens en sirop d'érable. OK, oui, oui, je comprends. Et on lui fait une espèce de grosse opération charme. La grande séduction. La grande séduction pour pas qu'elle ait le goût de repartir à la fin de son soi-disant voyage. Qu'est-ce qu'on fait avec le... Juste une parenthèse, Gleb, film à voir, La Grande Séduction, si tu l'as pas vu. Film québécois. Ça peut être une belle référence. Moi, je l'ai pas vu. Fait qu'on fait semblant que les gens jouent au football sur les docks. Au rugby. Oui, ou peut-être, dépendamment. Pour séduire la mère. Oui, pour séduire la mère. Le but, c'est de séduire la lune. Et lui, on semble qu'il a le goût de venir. La sœur, on pense. On lui dit que... Elle tripe sur les sauvages et les tipis et les orignaux. Oui. Ben là, on met le paquet. Rapidement, on va faire une belle petite tour virée en chien de traîneau. Oui. Le préféré, c'est que tu viennes l'hiver. Ouais. On lui dit respire à fond, cet air frais détruit toute embolie pulmonaire. Oui. Mais arriver le printemps, c'est peut-être un plus. C'est sûr que l'été est plus le fun. Ouais, tu sais, fin de printemps, le beau temps. Une autre solution, c'est un tueur à gages qui s'occuperait du beau-père. Ouais, mais là, il risque de se mettre dans la merde. Ouais. Ouais, mais il quitte le pays après, tu sais. Écoutez, là, on a une opinion sur le beau-père. Ouais, c'est ça. Là. On a, j'irais peut-être pas jusqu'à... Non, parce qu'un problème possible, moi, dans ce que je voyais, là, c'est... comment faire comprendre à quelqu'un qui a un problème d'alcool et comment l'aider. Hein? Parce que je connais pas cette personne-là, mais je veux pas la démoniser. Mais, tu sais... Laser. Mais je peux comprendre Gleb de mettre plus de temps sur sa mère que sur le gars qui se fout, là, tu sais. Oui, l'autre option, c'est ça. C'est plutôt que de faire... De fuir. De fuir, aussi, un peu. D'essayer de travailler à la source. Mais, non, mais quand vous nous envoyez un problème, ça va? Oui, je me suis étouffé. Non, mais quand vous nous envoyez un problème, n'hésitez pas à nous envoyer des informations supplémentaires par rapport à qu'est-ce qu'il vient faire, lui, ici au Québec. Hein? J'aurais bien aimé savoir. Je pense que j'ai une bonne idée. C'est de rencontrer par des sites de rencontre un homme québécois qui pourrait vraiment fitter avec sa mère. J'aille pas ça. Donc, elle aussi. Tu chattes avec au nom de ta mère. Oui. Puis elle, puis là, tu lui donnes envie de rencontrer un Québécois parfait. Là. Non, tu chattes avec ta mère au nom d'un Québécois. Oui. Mais là, est-ce qu'elle va sur des sites de rencontre? Non, mais tu l'arranges. Mais, techniquement, elle a un chum. Ouais. Si son chum... L'apprend, elle va manger la volée de sa vie. Mais non, il y a comme un petit quelque chose, une manière de le trouver là, sur Facebook. Salut, écoute, je me promenais, j'ai vu ta photo de profil. Je pense qu'on s'est croisés cet après-midi au centre commercial. Impliquer la famille, probablement qui n'est pas seule à... À rêver du Québec. Non, mais je veux dire... À s'inquiéter. À s'inquiéter pour sa mère. Mm-hmm. Donc, peut-être que impliquer la famille... Il y a des alliés. Des alliés, c'est ça. La sœur, la... l'autre, puis l'autre. Ou se la jouer à Goodbye Lenin, là. Essayer de, pendant son sommeil, chloroforme, encore une fois, l'amener en bateau, petite traque de bateau, elle dort tout le long, on la ramène sur le plateau Mont-Royal. On recrée en papier mâché. Le quartier, non, mais tu sais, on lui fait croire qu'elle est encore en France. Et sérieusement, en se promenant sur le plateau, elle ne saura jamais qu'elle est au Québec. Là. Seamless, je vais être plus heureuse. Non, mais oui, c'est vrai. C'est quoi la deuxième plus grande population française hors... de la première? Population française hors France? Ouais. C'est Montréal, oui. Mm-hmm. Ouais, ouais. C'est sûr. 100 000 Français. Ben, c'est formidable. Tous dans des agences de publicité. Oui. Français. Non, je n'ai pas gagné chez Fido aujourd'hui. Ah oui, bon, oui. Quand même. Oui, mais dans tous les départements. Partout. Oui. Absolument. Il y en a même des fonctionnaires, j'imagine. Vous êtes d'ailleurs probablement notre plus grande démographie à la Lime. Oui, et on vous remercie. Oui. Mais oui, semaine. Vous venez voir l'impro. Vous tous les dimanches soirs au Lion d'Or. Vends ça à ta mère. Les dimanches soirs au Lion d'Or, faut être là. Oui, si elle est férue d'improvisation, je crois que le Québec reste la référence. D'ailleurs, moi, je sais pas quand est-ce que ce podcast-là va sortir, mais je suis probablement en France pendant que ça sort. Là, tu peux l'aider. Venez me voir, je vais convaincre ta mère. Fais-la tomber en amour avec toi. Je vais être à la Cigale à Paris les 2 et 3 avril. Ça, c'est les dates que je sais. Sinon, je suis à Lille, Bordeaux. Est-ce que le plan est de venir à Montréal? Montréal a quand même une ville qui a beaucoup de charme. Moi, sans vouloir faire de chauvinisme, j'adore Montréal. Personnellement, c'est une ville qui me convient de par sa grosseur. C'est comme juste... pas trop gros, et de par son ébullition culturelle et à plein niveau, c'est une ville que je trouve les deux solitudes vraiment très belle vraiment ville, oui, mais les deux solitudes créent une force pour c'est moi, ça, c'est là, ça. Vraiment mais moi, je trouve que intéressant c'est un plus à quelque part. Et il est heureux là. Entre autres au niveau de la restauration, on connaît mal Montréal. À Montréal on a une belle gastronomie, c'est très bien restauré. On a une belle gastronomie, on a des beaux lieux physiques aussi qu'on ne connaît pas. On est habitué de vivre dans notre kilomètre carré. Mais plein de on a des beaux lieux, mais ça, s'il y a un point sur lequel je trouve que Montréal pourrait faire une meilleure job, si on veut, c'est justement d'un côté esthétique. Là. Je trouve que là-dessus... Puis c'est ça, pas dépend, juste... ça dépend dans quel coin. Oui, mais c'est pas juste au niveau esthétique, là, c'est au niveau aussi des choix qu'on fait. Là, oui. Comme par exemple l'utilisation du Mont-Royal, que je trouve le fun, mais quand on arrive en haut de l'observatoire... Ce lieu-là qui pourrait être formidable, c'est une espèce de grosse bâtisse avec des machines distributrices. Qui sert juste à aller aux toilettes alors que c'est à peu une près, bâtisse magnifique. C'est un truck stop alors que ça pourrait être... absolument. Même chose pour le stade olympique. Il n'y a pas juste des qualités, mais il y a quand même des choses formidables. C'est peut-être pas Montréal qu'il faut, c'est peut-être Tadoussac. Là, en effet, oui. Veux pas, la première image qu'on a, c'est les baleines. Mais c'est ça. Ben oui. Mmh. Je suis sûr que sa mère rêve de se faire prendre par un homme des bois, là. Ouais. Pur, pur bûcheron. Ouais. Bien métissé. Bien métissé, là. Jack Modoloy. Dont la violence se canalise en amour. Dans le vidéo poker. Ouais. Une bonne opération de séduction. Je pense que c'est ça que ça prend. Ouais. Mais il y a énormément de Français ici. Moi, je donne des ateliers sur le plateau. Même pas sur le plateau. Puis il y a des Français, des jeunes Français là, qui ont déménagé. Mais la question, ils sont bien à l'aise. Est-ce que c'est un grand plus? Est-ce qu'on est heureux alors qu'on vient vivre au Québec, si on est français, de côtoyer d'autres Français? Est-ce que c'est vraiment dans un plus? Je pense que oui. Non, mais c'est pas tant côtoyer d'autres Français que d'autres Français ont prouvé qu'ils étaient bien. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais d'un, t'es pas trop dépaysé. Mm-hmm. Et puis de deux, il y a beaucoup de Français, mais il y a quand même chez nous, là, quand même au Québec, là, t'as beaucoup de Québécois. T'as quand même le dépaysement, t'as le meilleur des deux mondes. Là, On a d'ailleurs, on a réussi à avoir d'excellentes pâtisseries. Là. Je pense que nos croissants sont comparables avec ceux de... Ben oui, vraiment. Mm-hmm. Vraiment, non, mais dans le sens qu'ils seront... quand tu as trop le mal du pays, ben tu as toujours moyen de, oui, de trouver une petite communauté là, bien de chez vous. Et comme notre équipe nationale de soccer, de football, est extrêmement mauvaise, je pense que la majorité des francophones de Montréal se rallient au tricolore. Alors, on devient vraiment fan de la France par adoption lors de la Coupe du Monde. Mmh. Oui, c'est vrai. Ça dépend pour qui. Mais la majorité. Oui. La communauté italienne est également très forte, oui, oui, et également aussi très partisane. Oui, oui. Mais sauf qu'on on les côtoie moins. Fait qu'ils nous en parlent moins pendant 4 ans. sur Twitter, il y a Gab Lefebvre qui écrit « Des photos nues de Stephen Harper et Pauline Marois? » Peut-être pas. Peut-être pas ça. Mais hein, on les prend, vos solutions. On les prend. Le paysage politique en ce moment ici est vraiment pas, je dirais, sexy. Non, on ne peut pas l'attirer. Ben, il n'y a pas grand place en ce moment dans le monde où les visages politiques sont sexy. Là. Mais je parle même des options. Les élections qui s'en viennent ici, Barack, qui vont être particulièrement... Barack. Ouais, mais de toute façon, elle ne viendra pas voter. De toute façon, là. C'est sûr qu'elle ne s'en vient pas ici. Pas pour voter. L'instant. Si ton grand plaisir dans la vie est de suivre... la politique. Ben, c'est vrai que quand moi je vais en France, même si j'ai pas le droit de vote, j'aime ça suivre la politique là-bas. Plus qu'ici même. J'étais là pendant les. Moi aussi, j'étais dernières là. Élections. Les deux dernières élections présidentielles, j'étais là. Ouais. Ben, c'est le fun. Ouais, j'assistais à l'élection de François Hollande et de. François Lanneville. François Lanneville. Sarkozy. Sarkozy. François Sarkozy, c'est ça. Non, mais François Sarkozy. Nicolas. Mais Nicolas, faut convaincre sa mère. C'est sûr que c'est. Tu sais, évidemment, on pense à la truquer, là. C'est ça qui sortait au début. Mais il y a prendre ses motivations premières. Je sais pas c'est quoi ses passions. Mm-hmm. Mais de rallier les passions, je sais pas, à trip sur le. Les mots croisés, mais peut-être faire des recherches pour les mots croisés au Québec. Lui faire un vidéo où on voit Anthony Cavana. Ah ouais? Isabelle Boulay. Lara Fabian. Stéphane Rousseau. Céline Dion. Stéphane Rousseau. Natacha Saint-Pierre. Garou. Hey, tous ces gens-là qui l'invitent. Donner le goût de partir. À venir au Québec. Mm. Franck Dubosc. Celui qui n'a jamais été au Québec. Luce Dufault pourrait chanter au lieu de sa chanson Belle en colis. Elle pourrait chanter Belle en bolis. Oh! Je pensais qu'elle allait dire Belle colis. Belle en bolis. Belle colis. Oui, non. Nos hôpitaux sont infestés de colis. Ouais. C'est pas évident, mais quand même. Ouais, non, c'est bon ça. Non, mais vous voyez pas le beau petit DVD là, avec Anthony Cavana qui lui. Qui lui émite les sentinelles de l'air. Là. c'est vrai qu'il l'a bien. J'ai vu un film français l'autre fois à Radio-Canada. Ah, ça s'appelle Alice, je sais pas trop quoi. Film français semi-comédie musicale avec Anthony Cavana dedans. Ouais. Et c'est. Je pense que je t'avais dit à Mathieu, c'est pire que Spice World. Ah, wesh. C'est pire que Spice World des Spice Girls. Ouais. Est-ce que Spice World était auparavant ta référence du C'était pire ma film référence. De l'histoire? Écoute, j'ai vu Spice World en me disant, hey, dans le pire des cas, ça va juste être niaiseux. J'allais au cinéma. C'était catastrophique. Ça faisait mal. Ouais. Tu t'attends à ce que ça soit pas bon, mais là, ça fait mal. Ouais. Mais c'est ça. Donc, Anthony Cavana, il a fait ça avec les Français. Ouais. Ouais. Il y avait Mark McKinney dans Spice World. Pour vrai? Ouais. Oh. Toutes des références qu'on peut mieux comprendre si on vient vivre au Québec. Oui. Mais ouais. Peut-être qu'elle aime le hockey. Peut-être qu'elle pourrait devenir... Sur glace, tu veux dire? Le hockey sur glace, le hockey sur gazon. Ouais, je sais que c'est un classique irlandais, là, mais... Ouais. Mais oui, mais peut-être. J'essaie de trouver des... Il y a plein de choses quand même formidables. Moi, personnellement, là, je veux vraiment pas avoir l'air de... Mais j'adore vivre ici. Je l'ai. Ouais. Je l'ai. Super belle ville, Montréal. Pensée par sa sœur. Elle a 10 ans. Oui. Le cri du cœur. D'une enfant. Maman, j'aimerais qu'on aille habiter avec notre grand frère. Je m'ennuie du grand frère. Sans Jean-Claude. Sans Jean-Claude. Qui est probablement son nom. Mais je m'ennuie de Bleb. Gleb. Gleb. Gleb. Mais non, mais tu sais, de passer par sa sœur. En tout cas, s'il y a une mise en scène à faire, passer par la sœur, ouais. À 10 ans, tu sais, surtout quand ça vient du fond du cœur, c'est touchant. Ouais. Il y a quelque chose qui peut casser là, dans la fibre maternelle. Un dessin de la famille, main dans la main, sur le Mont-Royal. Ah, waouh! Avec un loup à leur côté, ouais. Qui leur lèche. Un loup et un orignal. Puis le loup a mangé. Attends, sur le dessin, t'as quelqu'un de sous dans un coin qui défait tout le dessin. Ouais. Tu fais, ah non, si j'enlevais cette personne du dessin, ça irait beaucoup mieux. Ça serait parfait. T'as un gars sous dans un banc de neige à Québec qui se fait enlacer par le bonhomme carnaval. Ouais. Qui lui dit, souffle dans ma trompette. Et je te réchaufferai. Oui. Mais peut-être commencer par un simple voyage. Ah, oui, oui, non, faut oui, qu'il pour commencer. Et là, qu'ils se prennent un peu les pieds ici. Je sais pas si Gleb est venu souvent, mais un simple voyage. Maman, viens voir ça. C'est super. Ah, regarde, j'ai fait venir tous tes meubles. Mais le simple... Non, mais c'est vrai, parce que... Tant qu'à venir en bateau. En bateau? Amène tes affaires. Ouais, ouais. Ton char. Ah, ouais, c'est pas un voyage que tu veux faire souvent en bateau, là. Tu le fais une fois, puis... L'argent, il y a des trucs, là, qui doivent bien se vendre de la France, ici. En bateau, tu peux en apporter beaucoup plus. Des macarons. Mais des bouteilles de vin. Oui. Non, ça, c'est pas l'affaire de l'avion, c'est des douanes, ça. Tu peux pas amener plus de bouteilles de... Un char, des chars. Tu sais, tu vas dans un marché aux puces puis tu ramènes un fauteuil Louis XIV, là. Ça, oui. Ça, c'est certain que les antiquaires vont triper. Tu sais, en France, ça vaut quoi? 2 euros? Ici, ça se vend des millions. Ben oui, tu sais. Des millions! Ouais. Peut-être les faire vraiment... Ouais, le charme de ce qu'elle a pas. L'amener au Dollarama, qu'elle réalise qu'elle peut avoir pratiquement tout. Mais ils ont des monoprix. Ah, ils ont des monoprix. Non, mais des monoprix, c'est pas des... Non, mais ils ont le... C'est pas comme un Eurorama, là. Tati, c'est quoi? C'est le même principe. Monoprix, mais non, c'est cheap, mais c'est pas aussi cheap. Ouais, OK, c'est pas une pièce. Mais c'est pas de Dollarama, là, c'est... Mais le Dollarama, moi, ça m'angoisse plus que d'autres choses. Monoprix, c'est des épiceries, non? Oui, c'est des épiceries, c'est des magasins, c'est comme... Plus un Walmart. Ouais, c'est plus... ouais, ça veut Pharmaprix et tout. C'est quoi l'autre? Migros aussi? Chez Migros, ça, c'est suisse, je pense. Ah, oh, ouais. Je me trompe. Migros, c'est ce que j'ai en ce moment... dans tes shorts! Dans mes shorts! Tu parles de Carrefour? Et c'est miel denté. Le Carrefour, ouais. Carrefour, ça aussi, c'est des épiceries. Viens chez Métro. Tu vas voir, avec ta carte, t'as plein d'argent qui te revient. Et je l'oublie tout le temps, ma carte. Je l'ai pris en photo, ma carte. Je l'ai sur mon iPhone. Ça, c'est un truc pertinent. Là. Si ça vous marche, êtes rendu ça marche avec là... le code barre? Non, mais elle prend les numéros, puis elle tape, tic, tic, tic, tic. T'as fait travailler fort. Je vois. Mais au moins... OK. Ça dépend de ton épicerie, là. Si c'est 2 piastres, tu t'en fous. Mais si c'est 150, tu fais comme... Je fais tellement pas souvent mon épicerie que quand j'y vais, c'est pas ouais, c'est piastres. ça. Opération charme. Opération Charme, les solutions, est-ce qu'on a un dernier blitz, les gars? Qu'est-ce que vous aimez? Nommez-moi les 3 affaires que vous aimez le plus du Québec. J'aime tes yeux. L'effervescence de Montréal l'été. C'est vrai, c'est le fun. J'aime aller dans un petit chalet sur le bord de l'eau. L'été. C'est le fun l'hiver aussi, tant qu'à moi. Oui, j'avoue que l'hiver, ça peut être le fun aussi. Moi, j'aime Montréal et ses espaces verts. Il y en a plus qu'on pense. À Montréal? Oui. Oh oui, vraiment? Mais souvent, la perception, j'ai souvent eu l'argument, puis là, je fais une grande digression, là, des gens de Québec, entre autres, qui reprochent à Montréal de ne pas être une ville assez verte. Il n'y a pas d'arbres à Montréal. Alors, tu fais, il y en a quand même. Il y en a énormément. Va Parc Maisonneuve, Parc La Fontaine. Ouais. Hey, Parc Maisonneuve, c'est à perte de vue là, quand tu es là-dedans. Là. C'est pas les plaines d'Abraham, mais c'est quand même... Le jardin botanique aussi. Le jardin botanique là-dedans. Ouais. Moi, j'aime les nombreuses possibilités professionnelles, la richesse des amitiés et la pluralité des partenaires sexuels. Écoute, c'est tant qu'à moi, c'est tout fort. Là. J'aime son red light en 1940. J'aime les restos déjeuner. Les restos petit déjeuner pour vous, mes amis français. Les restos de petit déjeuner. Oui, pour manger, quand tu te lèves le matin, Montréal, c'est développé un énorme réseau de restaurants pour manger le matin. Oui, j'avoue que là-dessus, au niveau du petit déjeuner, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Ouais. Oui. Ouais. Toi, Simon? Qu'est-ce que j'aime? J'aime culturellement, je trouve que Montréal, c'est une ville super intéressante, vraiment. À plein de niveaux. Entre autres, j'ai quand même quelqu'un qui aime le théâtre. Et on peut y reprocher beaucoup de choses, mais c'est quand même en ébullition et il y a eu un foisonnement intéressant et important à ce niveau-là. J'aime un côté lo-fi quand même à Montréal. J'aime le fait que... Lo-fi. Ouais, je trouve qu'il y a une simplicité agréable et intéressante à plein de niveaux. Bohème, mais pas trop non plus, là. C'est pas complètement babacool. Non. Mais en même temps, l'influence, mettons, des... j'ai pas l'impression non plus qu'on vit dans l'Empire de Prada. Là, non, t'sais. C'est ça, c'est vrai. On est comme dans une espèce d'entre-deux que je trouve... Vit pas que pour le travail, ni que pour le plaisir. Oui, mais puis je dirais en troisième lieu, effectivement, là, cette espèce de rapport-là, travail, loisir... Ouais. On nous reproche souvent aux Québécois de pas être assez productifs. Et je peux comprendre que d'un point de vue... C'est Lucien Bouchard, c'est juste lui. C'est quand même, ça peut être fondé sur certaines choses. Puis je peux comprendre que d'un certain point de vue, c'est défendable, mais en même temps, ça nous amène une qualité de vie qui est assez incroyable. Tout à fait. Alors, vos solutions, messieurs? Mes solutions préférées, tu parles? Passer par la petite fille pour faire tous ces messages. Ouais. Ouais. Chloroforme. Moi, tu sais, au début, là, instinctivement, j'y allais pour truquer sa mère, mais je pense que ça me gosse, là, parce que quand j'ai pensé à pas de problème, c'était pour qu'on trouve des solutions qui arrivaient de nulle part et qui allaient révolutionner le monde. Mais là, j'ai l'impression que la meilleure solution, c'est d'asseoir sa mère puis d'y expliquer comme il faut. Pis si là, ça passe pas, sosie de son chum. Sosie de son chum qui lui fait tellement peur. Oh, merci, Martin, c'est celle-là. Le sosie du chum. Oui, oui. Sosie de son chum qui arrive comme s'il a pris la brosse de sa vie et qui se met à lui faire peur, là, avec des armes à feu. Pis, non, il fait juste... Au contraire... Je te laisse! Ouais. Tu me dégoûtes! Ou, mais là, c'est vraiment une implication à plus long terme, qui part vivre avec elle ici. C'est ça? Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il y a un plus gros pénis. Mais j'adore le Québec. Ça devait être le mal de mer. Merci Martin. Sosie du chum. Si la discussion n'a pas marché. Mrs. Doubtfire. Oui, Je pense qu'il y a des charmes. Il y a des charmes aussi authentiques. Il y a des avantages, assurément des inconvénients. Et là, on pourrait partir sur les inconvénients, mais là, on est sur la fin. Hein? On n'a pas le temps de les dire. Mais il y a aussi des avantages qui peuvent être, je crois, assez attrayants pour. Attirer quelqu'un et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et un des avantages à venir au Québec, c'est que vous êtes plus proche de nous pour nous fournir vos problèmes. Oui. Parce qu'on en a besoin. Là, c'est pas des blagues, là. Allez, non. Go! Facebook, Twitter. Pas de problème, @gmail.com. Vous nous avez fourni jusqu'à présent 208 problèmes. Vous êtes capable d'en avoir fini. Encore. Et c'est ça. J'ai plus rien à dire. Donc, Frédéric. On a-tu d'autres choses? Ben oui, n'oubliez pas de voter pour nous, 5 étoiles ou rien, sur Balado Québec et sur iTunes. Ouais. Rendez-vous sur le site de l'instable.com ou sur Mr. Dress Up pour vous procurer soit un t-shirt, pas de problème, ou faire un don via PayPal à notre bien modeste podcast. Oui. Venez à Lim, la semaine prochaine, un problème sur les relations humaines. Et sinon, on vous laisse là-dessus parce qu'on a notre réalisateur qui nous dit qu'on a putain. Alors, le mot de la fin. Mathieu, vous avez un problème? Nous avons un podcast. Je sais jamais quand partir la toune quand tu fais des affaires là-même. Là.